donc un peu les filles. Allez, ouvrez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du RIG 90.7 de la bande FM et bienvenue aussi pour l'émission Johnny de A à Z que vous pouvez aussi également écouter sur le rigfm.fr. Et puis, si vous ne captez pas sur rig.fr, il y a quoi? Il y a Écoute ma radio, il y a TuneIn, il y a plein d'autres adresses, mais vous pouvez aller voir toutes les adresses sur les radios en ligne. Vous allez voir, vous allez trouver automatiquement RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver ici à la radio, enfin, ouf! Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'écouter Johnny Hallyday, bien entendu, pendant 2 heures, mais on va revenir à Johnny Hallyday et Bercy. Il y a un mois, je vous ai proposé Bercy pendant 2 heures. Et là, je me suis dit, allez, on va faire une deuxième partie parce qu'apparemment, il y en a qui avaient encore faim. Ils voulaient encore entendre Johnny à Bercy. Johnny à Bercy, hein, qui a chanté 101 fois. Il est le recordman donc de 1987 à 2017. Pendant 3 décennies, 93 concerts solo et 8 concerts avec les Vieilles Canailles, c'est-à-dire Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Il y en a eu 6 avec les Canailles en 2014 et il y en a eu 2 en 2017. Donc je vous propose de revivre ensemble ces 30 ans de Johnny Hallyday à Bercy et on commence tout de suite par le premier avec une mise en scène très simple, voilà. Johnny Hallyday à Bercy en 1987. Bonne soirée à toutes et à tous. Vous êtes sur RIG et c'est voici tout de suite Johnny Hallyday dans l'émission Johnny de A à Z. de sauvage. Forcer les portes, les barrages, et sortir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. Monter le son des guitares et le bruit des photos qui démarrent. Du détaché, oui, derrière, d'un geste. Du détaché, et d'amour, d'amour. Les âmes et les yeux. Allumez le feu et voir grandir la flamme. Nos problèmes, se libérer de nos chaînes et lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de foudre, le tonnerre. Moi je veux la fête et les rires, moi je veux la foule en délire. Tu es ta seule, oui, t'as rien d'un contact. Pour le Born Rocker Tour. Tout de suite, nous allons en direction Bercy 1992. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? Deux ans sans nous voir, c'est beaucoup trop long. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Merci. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville. J'avais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es là. Car pour moi, tu es là. Voiture, ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Sans oui de m'embrasser, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Qu'est-ce si je lis plus que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur retour. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute la joie. Car pour moi, tu es la seule, vraiment la seule. Voiture, ta façon, oui, de m'embrasser, me fait rêver. Ta façon, oui, de murmurer, me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Si je lis mieux que ces filles dans les journaux, pour te voir les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça, ouais. Laisse-moi te dire enfin tu te la joie. Car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Voiture, ma soeur, oui, de me regarder, c'est me troubler. Sans oui de m'enlacer, le fait crier. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, car pour moi, car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Vraiment la seule. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. C'est l'émission Johnny de A à Z. On va retrouver Johnny tout de suite lors de son deuxième passage à Bercy, c'était en 1990. Et reprend et rend hommage à Daniel Balavoine avec le titre « Je ne suis pas un héros ». Chaque jour je pousse un peu plus vers la fin. Oui, quand je monte sur scène, quand on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qui brûle. Puis toucher les femmes qui me tendent les mains. Mais qui me quitte, elle m'aime, mais dont je ne sais rien. Aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros. Et ton pas me colle à la peau. Je ne suis pas un héros. Pour pas croire ce que disent les s'accroche à mes larmes. Je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle le rêve, mais ça leur fait du bien. Et à coup de pied dans la rue, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. Je ne suis pas un héros. Et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas la version de Bercy 90 en version courte. On va retrouver tout de suite John Hallyday à Bercy, c'était en 2015. Nous avons droit à un petit tipiaque, ouais, du titre « J'ai pleuré sur ma guitare ». Une petite question, est-ce que vous aimez la country music ? Alors voici, tu vas vous rappeler quelques bons souvenirs, j'espère. Thank you. Deux ans plus tard, en 2017, Johnny donne ses deux dernières représentations avec ses compères Eddie Mitchell et Jacques Dutronc à Bercy. La 100e et la 101e. Et toujours avec Greg Slapp à l'harmonica. Porte du pénitencier. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai, oui, ma vie comme d'autres galants finis. Sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Moi je t'ai trop fait pleurer. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Même merci pour Johnny Hallyday en 1995. C'était du 12 septembre au 1er octobre 1995. Johnny à Bercy, c'est le thème de l'émission de ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Bercy, deuxième partie. Voici tout de suite Hard Legs. Reprise d'un titre de Rod Stewart. have nothing. Lors de ce Born Knocker Tour de 2013, Johnny avait donné trois représentations à Bercy. On le retrouve à nouveau en 1987 à Bercy, bien entendu, et ce titre, Mon petit loup. Les concerts de Johnny à Bercy sont à venir ce soir dans l'émission Johnny de A à Z. Tous les mercredis, de 22h à minuit, ici sur RIG et nulle part ailleurs. I'm in the tunnel, paying you beaucoup d'espoir. I'm in the tunnel. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday à Bercy en 1992. Johnny Hallyday était vêtu d'une veste noire et avec aussi un débardeur noir et tout muscle en avant. Ils interprétaient ce titre-là qui n'a figuré que lors de la première représentation à Bercy en 1992, dans un an ou un jour, une chanson, la dernière chanson qu'avait écrite Mort Schumann pour Johnny. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi de 22h à minuit. Je fais là plus de sens, je le sais. Espérons que dans un an ou un jour, on se retrouvera tous autour d'une table à boire un verre et à écouter la radio Johnny de A à Z. Et puis aussi, pourquoi pas, vous serez aussi dans ce studio. Voici tout de suite Johnny Hallyday à Bercy. C'était en 2003. Bercy, évidemment. Bercy, c'est le thème de la soirée. Et en 2003, Johnny Hallyday, ici, Johnny de A à Z. Johnny Hallyday donnait trois représentations à Bercy. Bonsoir Paris, bonsoir Bercy. Eh ben, c'est le thème Bercy, je vous l'ai dit. On est en tout de suite en 2006. Avec le bon temps du rock'n'roll, juste avant d'entamer après la partie unplug, la partie acoustique. Allez, assez êtes chaud ce soir. Vous êtes presque aussi chaud que moi. Ah. Ah, ça va être une belle soirée entre vous et moi, ça. Johnny se prépare pour la petite partie unplug de cette émission Johnny de la Z spéciale Bercy. On va retrouver des classiques, hein. Couple avec Charlie, Si j'étais un charpentier, That's Alright Mama. Daté de 1995 et de 2013 pour le Born Rocker Tour. Là, nous suivions le Flashback Tour à Bercy en 2006. Merci beaucoup, merci. J'ai voulu faire cette partie unplug pour avoir l'occasion de vous chanter des chansons qui vont vous rappeler, j'espère, de bons souvenirs. Cette chanson commence comme ça. Chez lui à Bercy, la preuve, hein, il a fait plus de 101 représentations dans ce lieu mythique. Voici en 2013, lors de ce Born Rocker Tour, avec un titre qu'il n'avait pas chanté depuis quelques années déjà. Il me semble que c'était 20 ans auparavant, en 93, au Parc des Princes. Voici Si j'étais un charpentier. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seule avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Oui, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Oui, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Oui, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? On revient à 1995 et je crois que Johnny a envie de fêter un anniversaire. C'est un an d'anniversaire de quoi ça? C'est vrai, j'avais oublié. C'est l'anniversaire de mon batteur, Will Wallace, ce soir. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. all right for you. That's all right, I'm on the trip. And I'm waiting too. That's all right. That's all right. That's all right, I'm on the trip. Ian Wallace. On revient à 1990, le deuxième Bercy de Johnny Hallyday, où Johnny était plutôt habillé en mode rocker et aussi toujours un débardeur également. Il revient pour la seconde partie de ce Bercy avec le chanteur abandonné, Johnny sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Qui tressent scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène, ça lui fait peur. Tous ses nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, Dieu faut tout des fleurs. Une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, eux et lui. Il se demande qui l'est. Qu'il aime comme un enfant, sans qu'il parle, elle comprend. Sa vie, comme c'est bon d'être heureux, comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière, ça peut faire mal aux yeux. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Que le blues est inventé pour lui. C'est lui parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait. Il se demande qui il est. On revient à Bercy 1995 et Info Matin, le journal Info Matin avait titré Back to the Blues, c'est bien ça, hein? Non, Back to Rock'n'Roll. Back to Rock'n'Roll avec ce Bercy 1995, un Bercy qui fera date également dans la carrière de Johnny Hallyday. La deuxième voix du groupe est certain soir la voix de ma conscience. Le chanteur du groupe s'appelle Johnny Hallyday. Nous sommes toujours dans ce lieu mythique, Bercy, mais cette fois-ci en l'année 2006. Avec ce titre, Rivière ouvrant ton lit, un titre que Johnny n'avait pas chanté depuis près d'une... Oh ! De 4 décennies, plus de 4 décennies, ouais. Ah, j'étais fou quand j'ai entendu ce titre-là. Tu sais, je te connais, tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais, moi tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, tout est le ciel en toi. Je sais combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour dans le mien se mord sans une veste. We'll be right back. version du 29 septembre 2006 qui était retransmise sur TF1, la version de Bercy, et dont je signale que cette version n'existe Merci pas beaucoup. Dans le commerce. Exactement. 14 ans auparavant, en 92, lors de son troisième Bercy, Johnny nous a interprété ce fameux titre « Derrière l'amour » avec une nouvelle orchestration. Et à l'arrière de Johnny, il y avait un grand écran où une femme se déshabillait. Derrière l'amour, il y a une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses, des peurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi de me détruire. Ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais en vraiment l'amour? Derrière le grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi de ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, I'm par la main. Tous les amoureux, moi je sais bien, cet amour-là, je ne le connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Je me dis que tu ne m'as pas. La vie, c'est bien joli. Mais moi, j'ai peur d'être un jour trahi. Mon ciel, c'est toi. Écoutez Johnny avec Je suis seul à Bercy en 2003 et là à l'instant c'était Requiem pour un fou en 95. On le retrouve à nouveau en 2003. Où ça? À Bercy bien entendu puisque c'est Bercy qui est à l'honneur dans cette émission. Bercy, la deuxième partie. Extrait de l'album À la vie et la mort, voici L'instinct en live. L'instinct est une femme qui me guide. Chaque jour pour moi, elle décide. Je m'en remets à ses pulsions. Je ne me pose jamais de questions. Tu me demandes, tu sembles jamais comme je

Johnny à Bercy en 1990. On le retrouve d'ici quelques secondes. Est-ce que vous reconnaissez cette traduction? Nous sommes à Bercy, évidemment Bercy, puisque c'est le thème de la soirée. Le 27 novembre 2015, Johnny nous interprète Victime de l'amour. Évidemment, c'est une version Tipiak que je vous propose. On peut tout se permettre ici sur RIG. Des versions Tipiak, oh, à foison, à foison. Présent. Après Victime de l'amour, voici L'amour à mort à Bercy en 2013. Bon, on rock tour à Bercy. Et quand on entend cette chanson-là, on se dit que c'est bientôt la fin, non? Tu veux quitter les siens dans ce vent de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage.

confirmé qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Ah. Allons. Ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il venait d'une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Mais vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que ça a vraiment existé? Alors, ne me racontez plus d'histoire. Je veux le toucher, le voir pour y croire. Comment c'est vrai? Le sable était blanc. Comme cette émission Johnny de A à Z retraçant en deuxième partie hein, Bercy, Johnny Hallyday et les années Bercy, les 30 ans de Bercy. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé activement à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ne vous inquiétez pas, vous aurez prochainement le podcast et aussi cette émission, vous pouvez la retrouver sur la radio web 100% Johnny le lundi de 21h à 23h. Mais ici sur RG, ce sera à partir de 22h mercredi prochain. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.